Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode, et oui, déjà, de la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler quoi ? Pour parler carrière radiophonique avec ceux qui sont devant et derrière le micro aujourd'hui. Je reçois Fred Hafner, journaliste indépendant, entre autres, bien sûr, journaliste sur la radio Europe 1. Bonjour Fred. Bonjour Cécile. Merci beaucoup d'être là à ce micro. Première question, évidemment, vous êtes au micro d'une radio associative et j'ai envie de savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Ça me rappelle énormément parce que j'ai commencé comme ça. C'est de moins en moins le cas maintenant parce qu'il y a de moins en moins de radios associatives, tout bêtement. Mais oui, moi j'ai commencé avec des radios sur des radios associatives et en l'occurrence la première s'appelle toujours, je crois, Horizon FM. Elle était à l'époque perdue dans les combles de la mairie de Quincy-sous-Sénart en plein milieu de l'Essonne. D'accord, en quelle année? Et vous aviez quel âge? Voilà, donc, je ne sais plus. Je devais avoir 18 ans, je pense. Ouais, ça 17 ou 18 ans, je sais plus très bien. Et donc l'année, c'était début des années 90. Et c'était pour s'amuser à la sortie de l'école? Ah non, pas du tout, non. Non, c'était vraiment sérieux, c'était pour commencer à faire de la radio, parce que j'en avais très très envie, et avec un ami qui était aussi jeune journaliste, en devenir, on a voulu monter une émission sur les médias, d'ailleurs c'est amusant, parce que je boucle un peu la boucle en retravaillant sur les médias à la radio en ce moment, mais on a monté une émission qu'on faisait tous les samedis, au départ d'une demi-heure, ensuite d'une heure, sur les médias. Alors comme c'était, je vous le disais, à Quincy-sous-Sénart, pour faire venir des invités, c'était pas vraiment évident. En revanche, on arrivait à les avoir, que ce soit les patrons de chaîne, les stars comme Bruno Mazur à l'époque, comme Thierry Ardisson et d'autres, on les avait par téléphone. Et ils répondaient oui. Ah mais ils répondaient super facilement. C'est ce que j'ai repensé il y a pas longtemps et je suis pas sûr que ce serait aussi simple maintenant parce qu'il y a plein de sollicitations finalement de réseaux sociaux, d'internet, de blogs, etc. Mais je pense qu'ils étaient assez peu sollicités par des micro-médias comme ça et peut-être que notre assurance, parce qu'il y a ça aussi, c'est que maintenant on se pose des questions souvent avant d'appeler les gens. À l'époque, on se posait aucune question, on les appelait, on les invitait tout à fait naturellement et ils disaient oui. Et alors, c'était pour devenir journaliste après Bah, moi, j'étais déjà journaliste. En fait, j'ai commencé à bosser à 17 ans, en fait, en presse écrite. Et vous avez eu votre bac très jeune. Je l'ai pas passé. Ah, c'est beaucoup plus simple. Donc, du coup, ça règle le problème. Non, j'ai arrêté mes études bien avant le bac, en fait. Hein, donc ça correspondait plus. Mais oui, donc voilà, la radio m'a toujours intéressé. Donc j'ai commencé dans la presse écrite, dans un mensuel, et j'ai essayé du coup de faire de la radio en parallèle. C'était un petit peu ça l'idée. Et du coup, après, on est passé d'une petite radio associative à une un petit peu moins petite, et ainsi de suite. Et justement, après Horizon FM, alors, qui est-ce qui vous appelle ou qui allez-vous voir après ? Faut dire la vérité, on nous appelle rarement. Hein. Les gens qui disent ça sont mythos, mais souvent. Mais non, on a essayé de syndiquer un peu notre émission en la rediffusant sur une autre émission, une autre radio qui s'appelait Fréquence Paris Pluriel, qui était elle basée dans un Algeco à Aubervilliers à l'époque. Et donc on leur a amené une cassette. C'était une cassette. Alors je sais pas si tous les gens qui nous écoutent peuvent comprendre ce que c'est. C'est un petit truc bizarre, rectangulaire en plastique avec une bande magnétique au milieu. Moi je me souviens que j'amenais la cassette là-bas. Ils nous rediffusaient notre émission. Et voilà. Et après ça a progressé. L'émission a duré une saison. Après je suis parti à Ivry-sur-Seine. C'était dans un hôpital gériatrique sur Génération FM qui existe encore maintenant parce qu'en revanche elle est plus associative. Elle est devenue une radio de rap et de hip-hop. Mais à l'époque, c'était une radio qui avait été créée c'était un support artistique et médical pour les personnes qui étaient hospitalisées dans cet hôpital. Et alors, vous avez appris quoi, justement, à Génération? Parce qu'au début, vous avez commencé sur une émission de médias. Ensuite, dans ce petit Algeco à Fréquence Paris Pluriel, vous avez fait quoi comme type d'émission? Ah, mais c'était la même chose. On diffusait l'émission qu'on faisait sur Horizon FM. Donc, ensuite... Je faisais des chroniques, en fait. J'ai fait des chroniques littéraires, notamment sur Fréquence Paris Pluriel. Mais pareil, que je leur livrais clé en main. C'était à l'époque plus simple. Et sur Génération, j'ai fait une émission hebdomadaire, qui était une émission d'actu, qui était un peu une émission de bande. C'était déjà la mode à l'époque, où c'était peut-être le début de la mode. C'était le moment où Bonaldi, où vous savez, il y avait nulle part ailleurs en deux ou trois parties, etc. Bonaldi avait sa petite bande autour de lui que j'aimais bien d'ailleurs, et les gens qui étaient autour de Bonaldi à l'époque sont toujours des gens d'ailleurs intéressants aujourd'hui en 2015. Et donc j'avais aussi créé un petit peu ma petite bande autour de moi. Il y a eu deux émissions qui se sont suivies. Honnêtement, les souvenirs s'entrechoquent un petit peu. J'aurais pu vous dire vraiment comment c'est passé, dans quel ordre, mais on revenait sur l'actualité de la semaine. On avait des invités divers et variés. Là aussi, c'était souvent au téléphone pour à peu près les mêmes raisons, même si Ivry est plus proche de Paris qu'Annecy. En revanche, les invités, eux, sont pas toujours disponibles le week-end sur place. Et voilà, donc pendant une heure ou une heure et demie, je sais plus très bien, on revenait sur l'actu, on parlait un petit peu culture, on commençait à parler d'Internet. Je me souviens que j'avais en quelle année ? Ouh là là, je dirais 95 à peu près dans ces eaux-là, 94-95, et oui, je pense qu'on a dû avoir une des toutes premières chroniques Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Internet n'existait pas encore, on était en train de parler de ce qui a préfiguré Internet, ce fameux réseau initial. D'accord, alors combien de temps sur Génération ? J'aurais dû réviser mon CV, mais alors le problème, c'est que toutes ces petites choses sont même plus sur le CV, donc ça m'aurait pas servi à grand chose. Une saison ou deux, je pense. Et alors maintenant, après, on va taper aux portes des grandes radios. Après, on arrive assez rapidement, effectivement. Après, il y a encore quelques micro détails, mais on arrive assez rapidement aux radios commerciales. J'ai eu un choix à un moment donné assez cornélien. J'avais la possibilité d'aller faire des piges des reportages pour la matinale de France Culture, ou de travailler comme animateur, pour Énergie en local. Les deux solutions m'intéressaient parce que j'ai toujours eu un petit peu cette double casquette, et j'ai toujours eu cette envie de faire un petit peu les deux. Mais j'avais les piges qui pouvaient me rapporter, alors là on va encore parler d'un truc d'ancien combattant, mais qui pouvaient me rapporter 400 francs à l'époque, ça je m'en souviens. Mais on me garantissait pas de m'en prendre régulièrement ou que je puisse vivre avec ça. Énergie en revanche m'embauchait, me payait, je crois que c'était 7000 francs par mois, me payait un salaire. Donc j'ai dit oui à Énergie, je suis parti à Ajaccio pendant un petit peu moins d'un an pour Énergie. Où là j'ai poussé les disques, hein, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire que je passais la playlist envoyée par Paris et puis voilà, on faisait les jeux, on annonçait les choses, ça a duré un petit peu moins d'un an, et je suis rentré sur le continent, à Paris, pas loin de là où nous enregistrons l'émission aujourd'hui, puisque c'était dans le 17e rue Galvani, je crois, sur Voltage. Alors, quand on part presque une saison, oui, justement, en tant qu'animateur, le journalisme vous a manqué pendant cette année en Corse ? Un petit peu manqué, pas 100%, parce que j'ai dû faire quelques piges en presse écrite en parallèle. Mais vous continuiez toutes ces années-là ? C'est par intermittence, la presse, en fait. C'est une question d'envie, de l'envie vient, repart, et puis les piges, c'est pas toujours très très simple. On est quand même extrêmement torturé quand on est pigiste en presse écrite, hein. On vous demande quand même assez facilement de faire plusieurs versions ou de faire des papiers très très longs, et je le dis pour ceux qui savent pas, on est, sauf exception, pas payé en fonction de la difficulté ou du temps du travail passé. On est payé au nombre de mots dans la presse, au feuillet. Donc que vous fassiez une petite critique d'un disque qui est assez rapide à écrire ou une vraie enquête, vous êtes payé à peu près le même prix. En revanche, vous y passez pas le même temps. Donc j'avais continué ça. C'est pas forcément, non, le journalisme me manquait pas forcément encore tout de suite à ce moment-là. C'est un petit peu plus tard que j'ai voulu revenir au journalisme en radio, puisque quand je suis arrivé sur Voltage, parce qu'après il y a ça aussi, c'est qu'il y a des choix de carrière qui décident de plein de choses. Si j'avais décidé de France Culture à l'époque, tout ce que je vais vous raconter maintenant aurait sans doute été totalement différent. Donc j'avais décidé Énergie. Après, j'avais, parce qu'on est quand même dans un pays où on met très vite des étiquettes sur le front des gens, donc j'avais cette étiquette animateur et pas journaliste, comme si c'était forcément diamétralement opposé. Donc du coup, Voltage, j'y suis allé en tant qu'animateur aussi. Et alors, qui vous appelle ou vous y allez ou... J'insiste, enfin alors peut-être que je suis une exception, mais on m'appelle pas tant que ça. Non, j'ai envoyé une maquette et le directeur de Voltage, à l'époque Voltage appartenait à Gérard Louvain à ce moment-là. Le directeur était un ancien programmateur musical d'Énergie, il s'appelle toujours Didier Ozzy, il travaille depuis des années maintenant, il dirige une radio en Espagne. Et donc oui, il m'a embauché pour faire le 13h-17h, ce qui était une très très bonne expérience. J'ai appris pas mal à ses côtés, aux côtés d'autres gens comme Pascal Rémy, qui était programmateur musical, qui maintenant est sur Fun Radio, de tout un tas d'autres animateurs. Celui qui prenait l'antenne, peut-être pas juste après moi, mais un petit peu plus tard, c'est Gaël Sanquer, qui est maintenant le numéro 2 d'Énergie, même du groupe Énergie côté radio. Donc voilà, ça c'était une année assez intéressante, que j'ai failli transformer avec une deuxième saison en faisant le morning du week-end. Mais en parallèle, j'ai eu une possibilité, une ouverture du côté d'Europe 2 qui était un vieux rêve. Donc j'ai plutôt travaillé cette ouverture-là. En 99, vous rejoignez Europe 2 pour interviewer plein d'artistes. Alors là aussi, au départ, j'y arrive toujours avec cette casquette d'animateur, donc toujours je donne les noms des disques et j'anime le programme musical à différents horaires. À l'époque, à Europe 2, on commençait systématiquement par la nuit, donc j'ai fait de la nuit pas mal de temps, puis le soir après l'émission, je sais même plus dans quel ordre, j'ai dû faire après Baffy, avant Baffy, enfin j'ai fait différents horaires. J'ai fait deux ou trois ans comme animateur de flux sur Europe 2. Donc là, sauf quelques exceptions, il n'y a pas eu beaucoup d'interviews. Mais c'est effectivement après, il y a eu pas mal de changements dans la radio. Plusieurs directeurs de la radio sont partis en même temps, le directeur des programmes, le directeur d'antenne et le rédacteur en chef. Et c'est là que je suis allé voir le directeur général d'Europe 2 à l'époque, qui était Frédéric Schlesinger. Et je lui ai dit que ouais, j'aimerais bien peut-être revenir à de l'info et repasser à la rédaction. Il y a une place qui se libérait parce que figurez-vous qu'il y a un garçon que j'ai recroisé quelques temps après qui était parti de la rédaction d'Europe 2 qui s'appelle Thomas Joubert. Et cette place se libérant, j'ai pu passer de l'antenne, enfin ce qu'on appelle les programmes, à la rédaction. Et donc, entre 2004 et 2006, vous êtes rédacteur en chef adjoint. Voilà, oui, alors oui. Donc, quand je suis à la rédaction, je ne suis pas arrivé rédacteur en chef adjoint. Hein. Je suis arrivé pour faire les interviews musique, parce que c'est entre autres ce dont s'occupait Thomas. Il fallait faire ça. J'ai interviewé tous les artistes qui passaient sur Europe 2. C'était très amusant parce que c'était très très varié, ça allait de Linkin Park et Sum 41 qui sont pas nécessairement la musique que j'écoute à la maison, à U2, Zazie, Étienne Dao, Zucchero, enfin voilà, il y avait des rencontres formidables, très très belles. Donc ça a duré vraiment pas mal de temps, j'ai dû en faire plus de 200, je sais plus compter au bout d'un moment. Je sais que j'ai surpassé il y a quelques jours, j'ai présenté des flashs en pige sur Virgin Radio et j'ai retrouvé mes vieilles cassettes au fond de l'armoire dans la rédaction, donc c'était assez amusant. Effectivement, après, on m'a proposé à un moment donné, puisque la rédaction s'est offerte, le rédacteur en chef avait besoin d'un adjoint et on m'a effectivement proposé ce poste après que j'ai occupé pendant 2 ans et quelques. C'est un nouveau défi de passer justement du micro, là vous en faisiez plus du tout en tant que rédacteur en chef adjoint. Quasiment plus, ouais. C'était un nouveau défi. C'était quasiment la première fois que je faisais un peu de management. Alors à un petit niveau, puisque j'étais que l'adjoint, hein, sur en plus un petit service. On était quand même une douzaine de personnes à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant là-bas, comme dans, je pense, la plupart des radios musicales. Ouais, c'était un nouveau défi. C'était quelque chose d'intéressant de se dire qu'on pouvait peut-être essayer d'amener des choses, d'amener des idées pour créer de nouveaux concepts. Développer des choses à la radio, c'est assez exaltant aussi. Ouais. Bon, alors ça va être le moment de la première pause musicale. vous avez choisi quoi, Fred Hafner ? Alors, on parlait, j'en ai proposé deux, on peut parler de U2 à la rigueur, parce qu'on parlait un instant de musique. Alors, c'est pas forcément le meilleur morceau de U2, même si ça reste quelque chose de très bien, très catchy, comme disent les Anglais, ça passe bien à la radio, il s'appelle Vertigo. C'était le premier extrait de leur album j'étais sûr que j'allais galérer là-dessus. How to Dismantle an Atomic Bomb, j'y arrive. Et en fait, je vous ai proposé de réécouter ça aujourd'hui parce que pour moi, c'est un très très beau souvenir lié à Europe 2. Lorsqu'ils ont sorti cet album, ils n'ont accepté que 2 interviews en radio en France, Europe 2 et NRJ, dans cet ordre-là. J'étais assez fier à l'époque. Donc on a fait un petit voyage en une journée, un aller-retour à Dublin, dans les quartiers généraux de U2. Et vous savez, quand on fait de la radio, et surtout quand on a la chance de travailler rue François 1er, d'avoir ces équipes techniques qui sont formidables et sans doute les meilleures de Paris, on vérifie son matériel avant de partir, surtout quand on part à l'étranger, surtout quand on va faire U2, et éventuellement le double, donc on a le double de jeu de piles, on a de micros, de câbles, etc. Mais ça marchait pas, j'arrive face à Bono et ça ne marche pas, je change le câble, ça marche pas, je change le micro, ça marche pas, je transpirais, enfin, vous imaginez, quand j'étais rouge, j'en pouvais plus, c'était une horreur. J'avais Bono et son batteur qui étaient là, qui attendaient en tapant du pied. Ça ne marchait pas. Et j'étais là vraiment pour ça. Donc c'était très très angoissant. Et là, le manager, Bono appelle son manager, je pense que je vais me faire sortir, qu'il va y avoir un incident diplomatique entre Universal Music et Europe 2. Et puis finalement, non, absolument pas. Il lui dit, bah tiens, tu peux demander à The Edge de prêter son lecteur de mini-disque à Fred, s'il te plaît. Et donc j'ai fait l'interview avec le matos de The Edge. Ça s'est même super bien passé, puisque les interviews dans ces cas-là sont généralement calibrées à l'avance. J'avais droit à 20 minutes, j'en ai fait 70. Donc voilà. La mécanique des ondes sur Fréquence Protestante aujourd'hui, c'est la mécanique de Fred Hafner, qui est journaliste indépendant et entre autres en ce moment sur Europe 1 dans le grand direct des médias. On y reviendra plus tard parce que pour l'instant, nous sommes dans les années 2000, Fred. Oui. Et vous êtes toujours sur Europe 2, oui. Rédacteur en chef, donc adjoint, puis rédacteur en chef. Non, j'ai jamais été rédacteur en chef à Europe 2. Dommage. Non, j'étais rédacteur en chef adjoint, juste adjoint. C'était déjà très très bien, une expérience passionnante où j'ai appris là aussi plein de choses. Et alors en 2006, ça se termine comment? Ça se termine de manière particulière, mais comme c'est souvent le cas dans ces métiers, voilà, parfois les sociétés restructurent un petit peu leurs ressources humaines. C'est une période où plusieurs personnes, on a demandé à plusieurs personnes de changer de crèmerie. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe après? Nouveaux défis, nouvelles envies? Oui, alors dans un premier temps, on a un petit peu sonné parce que moi, ça s'est passé en plus fin septembre et comme c'est un métier qui fonctionne par saison, de septembre à juin, quand on vous demande de partir au troisième trimestre, au dernier trimestre, pardon, vous savez plus vraiment très bien comment faire. Donc un petit peu sonné départ, puis après quand même envie de rebondir assez rapidement, mais du coup, c'était pas évident forcément en radio tout de suite, puisque encore une fois, les saisons étaient commencées. Ça faisait un petit bout de temps que je commençais à observer pour Europe 2 notamment et puis par intérêt personnel l'évolution l'apparition des nouveaux médias, l'arrivée des podcasts qui n'étaient pas encore vraiment arrivés en France, mais qui commençaient à arriver, qui arrivaient aux États-Unis, etc. Et donc j'ai eu l'envie de créer une petite société de production avec un camarade d'Europe 2 aussi d'ailleurs, qui lui était toujours à l'époque et qui était producteur. Et on a monté une boîte spécialisée sur la web télé, sur les podcasts. On a fait deux trois petites choses. Il y a rien de bien passionnant à raconter là, à part peut-être une expérience qui a été formidable pour nous. On a produit une émission qui s'appelait Le Club du Net, qui était diffusée exclusivement sur AOL pendant la campagne présidentielle de 2007 et qui était présentée par Carl Zero, qui avait à l'époque plus d'émissions à la télé. On connaît l'histoire. Et donc, comme il avait plus d'émissions à la télé, il avait plus de boîte de prod. Pour différentes raisons, il a fait appel à nous pour s'occuper de la production exécutive de cette émission, parce que c'était son concept, hein, c'est pas le nôtre, que les choses soient claires. Et voilà, et on a enregistré comme ça une douzaine de numéros avec Carl. C'était assez long, hein, pour du web, hein. On avait beau lui dire, mais lui venait de la télé, c'était encore le début de la vidéo sur Internet. Il a envie de faire de belles et grandes émissions. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. On a reçu François Hollande, Arnaud Montebourg, on a reçu un petit peu tout le monde. On faisait ça dans un célèbre restaurant, bar, boîte, près de l'Étoile. Et sur la place de l'Étoile, d'ailleurs. Et voilà, c'est un exercice fascinant. Et c'est très intéressant de travailler avec des gens comme ça parce qu'en fait, d'abord, il y a deux choses. Il y a le système qui fait qu'on a peu d'argent, qu'on est sur Internet, qu'on est en train de démarrer quelque chose, qui fait que bon, voilà, vous êtes producteur, c'est votre boîte, mais enfin bon, vous portez aussi le café, vous aidez à monter le matériel, vous allez passer à la boulangerie à 6h du matin prendre les croissants, ainsi, vous devez tout faire. Donc voilà, il y a un petit peu de tout ça. Et puis après, il y a le fait de travailler avec des gens comme Carl, qui est quelqu'un de fascinant, réellement, qui est extrêmement cultivé, qui connaît parfaitement bien ce métier, qui sait très bien ce qu'il veut faire. Et vous avez beaucoup appris dans cette aventure? Ouais. Et alors pas directement, parce qu'on, voilà, c'était pas le maître qui enseigne à l'élève, mais c'était de travailler avec lui. Oui, ça m'a énormément appris. C'était vraiment passionnant. Ce serait à refaire, je le referais, mais tout de suite, sans hésiter. Donc, ce que vous avez produit, donc, avec cette société qui s'appelait, donc, Power Podcast. Ouais, absolument. Et combien de temps elle dure? Vous ne produisez que cette campagne présidentielle de 2007, où il y a d'autres choses qui se mettent en place? C'est la chose principale qu'on a pu faire d'un point de vue média. Après, on a surtout fait des petites choses, on a fait des petits essais, on a pas mal fait de prestations de services. Donc, on a beaucoup travaillé avec AOL et avec Time Warner. Voilà, bon, c'était de la prestation de service. Donc, ça peut être à la fois des jeux grand public comme des tutoriels. Je me souviens d'un tutoriel qu'on avait fait pour une boîte que les professionnels de radio connaissent bien, puisque c'est M Audio, c'est notamment eux qui font Pro Tools, etc. Le logiciel de montage audio. Voilà, je me souviens d'un tutoriel qu'on a fait pour eux en 5 langues. Donc voilà, c'est rigolo à faire, ça n'est absolument pas passionnant pour le coup. Là. Mais c'est souvent le cas lorsque vous avez une boîte de ce type-là. Vous devez faire de l'institutionnel et de la prestation de service pour pouvoir vivre. Parce que le club du net avec Carl Zero, c'était passionnant à faire, mais c'est pas quelque chose qui vous enrichit du tout, quoi. En parallèle, Fred Hafner, j'ai pas de date dans votre biographie que j'ai trouvée sur Internet. Vous avez été chroniqueur à la télévision. Alors oui. Ça, c'était en quelle année? Ça a été par intermittence. Vous me piégez à chaque fois avec les années. Je suis perdu avec ces années. Mais au tout début des années 2000, quand j'étais sur Europe 2 en parallèle, c'était la première fois que j'ai dû faire de la télé. Oui, c'était la première fois. J'étais chroniqueur pendant 3 mois dans une émission qui s'appelait En juin, ça sera bien, qui était une émission hebdomadaire pour les adolescents sur la 5e, qui est devenue France 5 depuis, dont pas mal de gens se souviennent, qui était animée pendant longtemps par Gaël Le Forestier. Moi, je suis arrivé sur la dernière saison de l'émission. À ce moment-là, elle était animée par Alex Jaffray, qu'on voit maintenant dans Télématin sur France 2. Et je suis arrivé sur les 3 derniers mois parce qu'une chroniqueuse avait un autre emploi sur une autre chaîne de télé, n'avait plus le temps de tout faire. Et je suis arrivé, c'était des conditions un petit peu bizarres parce que je savais que l'émission, quoi qu'il arrive, s'arrêtait fin juin. Donc je suis arrivé pour 3 mois, vite fait, sur une émission qui était en train de s'arrêter. Mais là aussi, c'était passionnant parce qu'il y avait une chronique et un reportage incarné chaque semaine. Donc c'était assez intéressant. Enfin, chaque semaine à l'antenne, en réalité, tous les 15 jours, puisqu'on enregistrait les émissions 2 par 2. Mais sur votre CV, du coup, c'est hyper intéressant. Vous avez presse écrite, radio et télé. Alors, la télé, ça vous apporte quoi par rapport à la radio? La télé, pour être totalement franc, moi je suis pas un grand fan de télé en tant que présentateur. Si en tant que consommateur, je la regarde pas mal, mais en tant que présentateur, voilà, je m'intéresse plus d'aller faire des reportages, j'ai des envies de documentaires en ce moment, des choses comme ça, de montrer ma tête à la télévision dans un décor que j'ai pas choisi, avec un maquillage qu'on va m'imposer et des fringues qu'on va peut-être me choisir aussi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a plus de liberté à la radio, qu'on peut dire plus de choses, et puis même, j'ai l'impression qu'on peut montrer beaucoup de choses à la radio. À la télévision, souvent, parce que ça coûte cher, parce que c'est pas facile aussi. Vous savez, quand vous allez interviewer des gens pour la radio dans la rue, déjà, quand vous avancez votre micro, souvent, ils ont un geste de recul. Alors à la télévision, avec la caméra en plus, éventuellement des lumières et compagnie, c'est pas toujours simple de pouvoir faire des images qui sont importantes et qui sont utiles. Donc souvent, la télé devient de la radio filmée. Donc autant faire de la radio où, si on utilise bien les sons et le vocabulaire, on peut montrer énormément de choses. Donc voilà, donc j'aime beaucoup la télé, mais à chaque fois que j'en ai fait, c'était vraiment des petites choses. J'ai fait des chroniques le week-end sur la matinale du week-end de D8, de Direct 8, ça s'appelait Direct 8 à l'époque, lorsque c'était dans la Tour Bolloré. Voilà, donc c'était à chaque fois des petites choses. J'ai fait des reportages pour France 3 Nord, mais c'est vraiment anecdotique, la partie télévision en ce qui me concerne. Je fais un petit bond dans le temps parce que je pense que ce passage est très très intéressant dans votre carrière. En septembre 2010, vous rejoignez Made in Medina, un portail marocain regroupant 9 city guides en ligne. Alors, faut expliquer tout ça, parce que ça y est, vous traversez la Méditerranée pour aller voir ce qui se passe au Maroc. Exactement. Mais c'était consécutif au licenciement d'Europe 2 et à l'aventure avec cette micro-société de production que j'avais montée, dont je vous ai parlé. Pour différentes raisons, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs à un moment donné, d'aller vivre ailleurs. Donc je suis parti vivre à Marrakech quelques temps. Et là, j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer des gens qui avaient créé un site internet qui s'appelle Made in Marrakech, que les touristes souvent connaissent bien, que les habitants de Marrakech connaissent par cœur. Donc qui est effectivement un city guide qui s'adresse à deux cibles. C'est vraiment hybride, aussi bien les gens qui vivent sur place que les touristes. Ils voulaient développer à ce moment-là la partie rédactionnelle de leur site. Et voilà, il se trouve qu'ils ont fait appel à moi pour développer ça. Donc j'ai été effectivement quelques temps rédacteur en chef de ce site qu'on a développé en créant d'autres versions sur d'autres grandes villes du Royaume du Maroc, avec Médine Casablanca, Médine Rabat, etc. Et ça, là aussi, c'était encore une expérience passionnante et qui, quelque part, était logique et poursuivait ce que j'avais fait avec les podcasts, avec la web télé. Ouais, vous êtes toujours sur les nouvelles technologies à fouiller donc ces nouvelles façons de disperser l'information. Complètement. Et puis en plus, quand vous faites ça dans un pays émergent, c'est encore plus logique. Vous savez, il y a des choses dans des pays comme le Maroc qui n'ont pas existé et on est passé directement à une étape supérieure. On allait plus vite que des pays comme la France, par exemple. C'est-à-dire que le web a pu très vite se développer parce que c'est pas compliqué finalement. Et ce qui peut coûter cher dans le web souvent, bah, c'est le développement, les choses comme ça. Comme les salaires sont plus bas, on peut très vite avoir un site internet avec une énorme équipe, avec beaucoup beaucoup de monde qui travaille à fond là-dessus. Voilà, sur l'histoire du développement technologique avec les pays émergents, je peux vous donner un exemple, hein, c'est les clés 3G. Elles sont arrivées par exemple au Maroc avant d'arriver en France. Voilà, ça surprenait tout le monde à l'époque lorsque moi je parlais de ma clé 3G, mais on n'avait pas en France. Et voilà. Et donc là c'était une très très belle aventure. Je me souviens notamment de ce que je parlais de web télé pendant un festival du film de Marrakech, puisque tous les ans il y a un énorme festival international du film là-bas. On avait créé une petite web télé éphémère avec nos moyens et très sincèrement, j'en suis plutôt fier. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui n'étaient pas tous professionnels, mais qui ont tous bossé merveilleusement bien, qui se sont donnés à fond. On a produit tous les jours une émission complète avec des interviews, des reportages. Ça, c'était assez chouette à faire. On a bien développé l'audience du site qui existe toujours et qui je crois, cartonne toujours. Vous revenez à Paris en 2012. Est-ce que le retour à la capitale est difficile ? Il est froid déjà. Déjà, de base, c'est vrai. Non, il est pas particulièrement difficile parce que là aussi, c'était un choix de partir, c'était un choix de revenir aussi. Moi, j'ai toujours, quand on me pose cette question, j'ai toujours une réponse qui est la même finalement, c'est que ce qu'on perd d'un côté, on le retrouve de l'autre. Ça s'équilibre. Il y a des choses qui sont plus évidentes dans un pays comme le Maroc, qui sont peut-être plus simples et plus rapides qu'en France, et d'autres qui sont plus complexes. Mais après, ça s'équilibre parce que quand on arrive en France, des choses qui sont plus simples qu'au Maroc et ainsi de suite. Donc voilà, toutes les expériences sont intéressantes à ce niveau-là. Dans le retour, n'était pas. Ce qui est difficile, c'est plus professionnellement parce qu'il faut renouer contact avec tout le monde et il faut retrouver du travail. Vous allez donc me le raconter, puisque donc, oui, vous reprenez contact avec tout votre ancien réseau. Oui, enfin, si tant est que j'en ai déjà eu un réseau, ça c'est notre histoire. Mais moi, les principaux réseaux que je connais sont des radios. Hein, mais non, mais j'ai en revenant en France, en fait, j'ai fait quelques reportages pour Énergie 12. Puis rapidement, j'ai fait des chroniques sur Sud Radio, sur la déclinaison parisienne francilienne de Sud Radio. J'ai fait des choses sur les nouvelles technologies, justement, des chroniques sur les nouvelles techno. J'ai fait une rubrique hebdomadaire qui s'appelait Journal de Paris. Donc là, pendant 20 minutes, c'était de l'actu pratique sur Paris, sur la semaine, avec interview et autres. Je participais donc à ce moment-là à une émission qui s'appelait Le Cœur au Sud, qui diffusait de 12h à 14h, qui était présentée par un garçon qui s'appelle Alexis Thiébaud. Et rapidement, j'ai participé toujours sur Sud Radio à des débats d'actu et de société. D'ailleurs, j'y participe toujours, j'y vais encore régulièrement. Et alors ça, c'était aussi une nouvelle expérience, parce que c'est un peu comme aujourd'hui, moi j'ai pas l'habitude de répondre à des interviews, normalement je suis de l'autre côté. Là c'est pareil, animer un débat, je sais faire, y participer, c'était plus surprenant, plus déstabilisant. C'est un autre exercice. Ouais. Maintenant je commence à vraiment être bien dedans, à aimer ça, enfin à être bien dedans, à me sentir à l'aise dedans. Je dis pas que je suis bon dedans, ça c'est une autre histoire, je laisse les gens juger, mais au début j'étais dans un petit soulier. Alors oui, pour Sud Radio, pas mal de choses. Le Cœur au Sud, le Ring Sud Radio, c'était les débats. Et alors vous continuez évidemment la presse écrite dans les magazines féminins. Comment ça se fait, Fred? Oh, mais j'ai un garçon très très très éclectique. Non, les magazines féminins, je pense que vous devez faire référence à Biba, je pense. Ouais. J'ai effectivement pigé quelques temps pour Biba, mais pas uniquement. Je pige pour Capital, pour Néon, qui est un excellent mensuel que je recommande aux auditeurs, à vos auditeurs, parce que voilà. Il se fait connaître de plus en plus d'ailleurs. Il se fait de plus en plus connaître. Ouais. Il existe depuis 3 ans et je pense qu'il mériterait d'être encore plus connu. On a énormément parlé de Society, qui est un très très bon canard que j'ai acheté. J'ai acheté les 3 numéros, vraiment très très bien. Ce serait bien qu'on parle plus de Néon, c'est un super journal et vraiment je suis très à l'aise pour le dire parce que je pige pour eux de temps en temps, je fais pas partie de la rédac, je pige pas dans chaque numéro, loin de là, etc. Mais voilà, un journal à découvrir. Donc non, c'est varié, c'est presse féminine ou autre chose, ça dépend vraiment des rencontres, des opportunités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est globalement de raconter des histoires, donc j'allais dire peu importe le support, à condition qu'il soit sérieux, intéressant, quoi. Alors, justement, comment vous atterrissez dans le grand direct des médias sur Europe 1 en plein été ouais, 2014, hein, c'est ça, l'année dernière. La question est un peu brute, hein, mais comment vous renouez avec cette radio et avec dans une émission en plus sur les médias. Ben oui, alors ça c'est marrant parce que j'avais commencé la radio avec une émission sur les médias, donc c'est amusant d'y revenir. Grâce à Thomas Joubert dont je vous parlais tout à l'heure, donc Thomas présente tous les jours à 9h30 le journal des médias sur Europe 1, dans l'émission Le Grand Direct des médias qui est présenté par Jean-Marc Morandini. Et lorsque Jean-Marc Morandini est en congé, Thomas devient son joker, il le remplace. Donc il peut pas en plus faire les chroniques dans l'émission qu'il présente. Il cherchait quelqu'un donc pour le remplacer pour l'été. Il a extrêmement gentiment pensé à moi. Il m'a appelé, il y avait un petit casting d'organiser Europe 1. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé le 14 juillet l'année dernière. Je commençais le 14 juillet. Et voilà, c'était assez émouvant. Parce que quelque part, je revenais un petit peu à la maison. Hein. Europe 1, Europe 2, c'est la même maison, c'est au même endroit, c'est la même entrée, les mêmes escaliers. Et vous dites, waouh, j'ai recroisé plein de gens, plein de collègues. J'étais très heureux. Moi, je suis bien là-bas. Donc, j'étais très heureux d'y aller, très heureux de travailler avec Thomas et avec les équipes là-bas. Où il y a une espèce de, j'allais dire, de luxe quand on arrive à travailler sur ce type de radio. Tout le monde travaille tellement bien, tout est tellement bien organisé que finalement vous arrivez là, c'est royal. Ouais, c'est ça. Fred, on va faire la deuxième pause musicale puisque le temps file. Vous avez choisi Anthony et Lou Reed. Oui. Quelle musique? Alors, il faut que je vous explique quand même que oui. Anthony, il s'appelle Anthony Egarty. Il a un groupe qui s'appelle Anthony and the Johnsons, que je vous recommande vivement. Ce sera plus simple plutôt que je vous décrive ça en détail. Écoutez, tapez Anthony and the Johnsons sur Internet. Et il se trouve qu'il reprend régulièrement une chanson, une balade du Velvet Underground, Candy Says. Il l'a fait 2-3 fois sur scène avec Lou Reed, dont une fois que j'ai pu voir, à laquelle j'ai assisté, c'était à Paris en mars 2013, à la salle Pleyel. Et voilà, c'était ça. Moi, ça me met des frissons de voir ça quand je suis dans une salle de spectacle, même quand je l'écoute chez moi à la maison. Et je suis sûr que vous, en l'écoutant maintenant, Anthony avec Lou Reed, c'était en plus quelques mois avant que Lou Reed ne disparaisse en 2013. C'est voilà, à vous de voir. To pay my body and all it requires in this world. Candy says, I'd like to know completely, what are they so discreetly talking about? I'm going to watch the bluebirds fly over my shoulder. I'm going to watch them pass me by. Maybe, baby, when I'm older, what do you think I'd see if I could walk away from me? Toujours sur Fréquence Protestante dans ce 13e épisode de La Mécanique des Ondes. Vous venez d'écouter Anthony et Lou Reed dans Candy Says. Fred Hafner, vous êtes toujours mon invité. Vous ne vous êtes pas échappé du studio. Donc... Est-ce que vous avez des frissons là ? Oui, il a vraiment une très très belle voix, cet Anthony. Nous, rappelez-moi le groupe dont il fait partie. Anthony and the Johnsons. Ouais. Tapez ça sur Google et ou n'importe quel moteur de recherche et écoutez, découvrez-le, il est formidable. Alors, on en est à ce qu'en ce moment, vous êtes sur Europe 1 dans le grand direct des médias avec donc Jean-Marc Morandini dans votre chronique. J'aimerais savoir quelle est la... Je précise, je ne suis pas toujours, je suis comme remplaçant, je remplace Thomas Joubert lorsque lui ne peut pas assurer sa chronique, c'est surtout ça. C'est pas la mienne. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire, Fred Hafner, là, ces prochains mois, ces prochaines années? Ben, je piquerai bien votre place parce que j'aime bien l'idée de faire parler les gens comme ça sur la radio régulièrement, mais je la passerai en hebdomadaire cette émission plutôt. Mais sinon, mais déjà continuer avec Europe 1. Voilà, j'y suis depuis moins d'un an et de manière assez anachronique. Donc voilà, tant que ça peut continuer, moi j'en suis ravi. Et ça me permet en plus de pouvoir écrire dans la presse en parallèle et puis éventuellement développer d'autres projets. Alors en ce moment, j'ai très très envie, mais de grosses envies de documentaire. J'ai très envie de faire un doc. Après, est-ce que je le ferai ? C'est pas dit. C'est quand même extrêmement compliqué. Il faut avoir la bonne idée, trouver le financement, trouver un producteur qui lui-même va trouver une chaîne qui préachète parce que les producteurs ne produisent pas a priori. Donc voilà. Sur les nouvelles technologies, votre documentaire, parce que ça fait quand même un bout de temps que vous êtes observateur, que vous analysez, que vous regardez comment elles évoluent, tout ça. Mais oui, mais pas forcément, justement. Je pense que ce sera plus quelque chose de société. Enfin, il y a deux, trois idées en l'air, mais elles sont plus autour de thématiques de société. Ce qu'il faut savoir, c'est, alors je sais pas, c'est peut-être un de mes défauts d'ailleurs, mais on est dans un métier, le journalisme, où on est souvent très spécialisé sur quelque chose. Donc moi, j'étais spécialisé pendant longtemps sur la musique, de manière régulière sur les médias, effectivement sur les nouvelles technologies. Si vous avez raison, mais j'aime bien élargir un petit peu mes champs d'intérêt et ne pas me dire que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, je vais m'intéresser qu'à un seul domaine me fait très très peur. Donc non, en l'occurrence, je serai sûrement sur autre chose. La mécanique des ondes. La question de l'invité précédente, c'était Anne Cabonoco qui a une question pour vous. Salut Fred, toi qui es prof de journalisme, est-ce qu'on apprend, dis-moi, le journalisme aux étudiants aujourd'hui de la même façon qu'on l'apprenait hier, ou bien est-ce que ça a beaucoup changé avec l'apparition des réseaux sociaux ? Alors, il faut préciser que donc vous êtes professeur. Aussi, c'est vrai. C'est pas dans votre CV, ça, Fred. C'est vrai ? C'est bizarre. Ou alors vous êtes pas tombé sur la bonne version, mais est-ce que non, je le cache pas, au contraire, j'en suis ravi, mais ça fait très peu de temps. Je suis prof de journalisme radio à l'ESJ Paris, la plus ancienne école de journalisme d'ailleurs au passage. Alors la question d'Anka est super intéressante, mais en même temps, je fais ça que depuis une saison finalement, donc je sais pas comment on enseignait le journalisme avant. Comme je le disais tout à l'heure, je suis autodidacte, donc je n'ai pas moi-même fait d'études de journalisme. En tout cas, oui, les réseaux sociaux changent des choses forcément, ne serait-ce que parce qu'ils s'en servent eux-mêmes pour travailler, parce que on contacte maintenant parfois des gens directement via Twitter, parce que lorsque un groupe d'étudiants ou de journalistes travaille sur un projet, souvent ils se créent un groupe Facebook par exemple pour travailler dessus, échanger des documents et autres. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent intervenir de cette manière-là. Alors, Fred Hafner, quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Ah, alors l'enfance, c'est France Inter et Europe 1, que mes parents écoutaient beaucoup, énormément, le Club de la Presse, notamment l'Oreille en Coin avec les émissions humoristiques le dimanche matin ou samedi, je sais plus, c'était le week-end. Voilà. Après mon adolescence, c'est plus les radios musicales, et là c'était Skyrock et Europe 2 qui étaient totalement différentes. Europe 2 était une radio plutôt adulte à l'époque, qui passait même les Beatles, et Skyrock n'était pas la Skyrock d'aujourd'hui, c'était une radio plutôt rock FM qui passait Toto, Texas, Midnight Oil, etc. Quelle radio vous réveille le matin ? Oh là, elles sont plusieurs. Je zappe principalement entre Europe 1, RTL et France Info, Europe 1, RTL, France Info et France Inter. Donc en fait, je zappe entre quatre radios pas mal le matin. Oui, voilà, ce sont celles qui me réveillent. Et celles qui vous endorment le soir ? La question est dangereuse parce qu'il ne faudrait pas qu'on comprenne que parce que c'est ennuyeux, ça endort. Non, si je veux m'endormir avec de la musique, je mets surtout des web radios. Donc ça, y a Faubourg Simone par exemple, Radio Meux que j'écoute régulièrement, Crooner Radio est génial aussi. Et si sinon c'est pour écouter des émissions, j'aime beaucoup l'émission de Frédéric Taddeï le soir sur Europe 1. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? La voiture, mais comme presque tout le monde. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Au lit dans certaines circonstances. Votre meilleur souvenir de radio, s'il y en avait qu'un à retenir ? Waouh, alors ça, sans préparer, c'est affreux. Mon meilleur souvenir de radio... Celui qui vient à l'esprit, comme ça. Peut-être un festival, lorsque j'ai eu l'occasion de couvrir plusieurs festivals pour Europe 2, notamment les Eurokéennes, et c'est vrai que quand vous êtes au milieu sur une presqu'île, les pieds dans la boue avec du matériel dans les mains et que vous êtes en train d'émettre, grâce, je vous parlais tout à l'heure des formidables équipes techniques qu'il y a là-bas, et que vous êtes en train d'émettre dans toute la France en interviewant M ou d'autres personnes, et notamment d'ailleurs j'ai même failli interviewer Bertrand Cantat quelques jours, quelques semaines avant le drame de Vilnius. Il y a juste eu un, lui était d'accord, et puis sa manageuse est arrivée, fait quoi, Europe 2, une radio commerciale, c'est hors de question. Et ça s'est pas fait, mais ça a même failli se faire. Mais c'était malgré tout un beau souvenir, et plus globalement, courir ces festivals pour la radio, c'était uniquement des bons moments. Et le pire souvenir ? Le pire souvenir de radio ? Si je sais, mais après ça s'est bien fini, j'ai eu de la chance. C'est toujours une histoire de matériel, mais là c'est pas à cause du matériel, vraiment c'est à cause de moi. J'ai interviewé un artiste que j'aime beaucoup aussi, dont on parle peu maintenant, mais qui s'appelle Oxley Workman, et j'ai pas bien enclenché le magnéto, donc on n'a rien enregistré du tout. J'ai eu la chance que l'artiste, comme la maison de disques, soit adorable. Je suis retourné le voir le lendemain, on a refait l'interview. Donc voilà, mais c'est quand même un mauvais souvenir parce que ça fait vraiment pas sérieux, pas professionnel et que vous êtes extrêmement mal à l'aise. Allez, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio ? D'écouter la radio avant toute chose, d'écouter les radios, beaucoup de radios, et de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire avec un micro. Ah, c'était une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Fred Hafner. Merci, Cécile. Merci beaucoup. On vous retrouve aux quatre coins du web, finalement. Voilà. À la radio et sur tous les supports, presque tous. Presque tous. Mais bon, la radio, c'est quand même le principal. Merci beaucoup à vous.